Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Voilà, avec aujourd'hui comme invité Laurent Altel. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, on va parler surtout aujourd'hui de la fête des simples, hein, une fête assez gigantesque qui va avoir lieu à Cornimont le week-end prochain, sur deux jours, hein, le samedi 28 et le dimanche 29. Voilà, alors c'est la fête des simples. Qui sont les simples? Alors, qui sont les simples? Il y a fort longtemps, ça remonte peut-être au Moyen-Âge ou avant, simple désignait la plante médicinale qui poussait autour des maisons. Et Dieu sait que dans les Vosges, ça a été pratiqué pendant longtemps, hein, jusqu'au au siècle dernier, comme on dit, hein, en 1900, les personnes, pour se soigner, ramassaient les simples autour de la maison. Et c'était souvent quelque chose dévolu aux mères ou aux grands-mères, hein, de se soigner par les simples. Et soigner la famille. Et soigner la famille, voilà. Hein, donc, c'est l'ancien nom des plantes médicinales. Voilà un peu ce que c'est que les simples. On en a fait un acronyme. C'est le syndicat intermassif pour la production et l'économie des simples. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, des producteurs de plantes aromatiques et médicinales se sont regroupés afin de définir ensemble on appelle aujourd'hui un cahier des charges, hein. Eux, ils parlaient de pratiques communes et cohérentes avec la qualité de la plante, avec la gestion de la ressource. Enfin, voilà, tout un ensemble de préoccupations qui étaient déjà dans les esprits à cette époque-là, dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'années en arrière. Voilà, c'est ça. Hein, et puis qui s'est formalisé par le biais d'un cahier des charges du syndicat simple. Donc toutes des infos que vous trouvez sur le site des simples, hein, en tapant simple dans un moteur de recherche. Et cahier des charges qui aujourd'hui fait référence chez énormément de producteurs. D'accord, parce que qui sont-ils ces producteurs-là? Et ça fait combien de plantes à peu près? Alors c'est intermassif. Quand tu dis intermassif, ça veut dire que tous les massifs de France... Voilà, c'est un syndicat national. À l'époque, c'était des producteurs qui étaient surtout installés en zone de montagne. Et parce qu'on a toujours pensé... Alors c'est une pensée qui a évolué, hein, mais on a toujours pensé que les plantes, parce qu'elles poussaient en montagne, étaient un peu plus préservées. La chose qu'on sait, c'est qu'en montagne, il y avait peu d'agriculture intensive et on pouvait trouver des endroits plus ou moins reculés. Et donc, c'est pour ça qu'au début, c'était réservé aux producteurs en zone de montagne. Au fil des années, donc ça remonte aux années 2005, une réflexion a commencé à se mettre en place en disant... C'est pas parce qu'on est en zone de montagne qu'on est à l'abri de certaines formes de pollution. Et on peut tout à fait trouver des zones préservées de pollution identifiable. Hein, bien sûr, on est toujours dans ce cas-là. Hein, où on va pas pouvoir se protéger des pollutions qui font le tour de la planète et qu'on retrouve sur la banquise. Il n'y a pas de raison d'exclure des endroits privilégiés, enfin, des petits endroits préservés en zone de plaine. Et ce qui est important aussi, c'est que tout un chacun en France puisse avoir accès, je parle en tant que client ou consommateur, à des tisanes produites un petit peu partout, puisque l'idée aussi est que moins une tisane à voyager, plus c'est cohérent. Bien sûr. Donc voilà, ce syndicat de producteurs regroupe aujourd'hui 120 personnes, voire 140. Et puis, on a une vingtaine de postulants, hein, qui souhaitent rentrer dans la démarche. Par contre, notre cahier des charges fait référence. Donc en France, on estime à peu près à 3 fois plus, hein, c'est-à-dire entre 300 et 400 personnes, des producteurs qui se réfèrent de près ou de loin à notre façon de travailler aux préconisations du syndicat simple. Je voudrais que tu parles un petit peu. Alors ça représente combien de plantes à peu près? Alors combien de plantes, je pense... C'est difficile à recenser. Difficile parce qu'après, je ne suis pas non plus la mémoire vive du syndicat, mais aujourd'hui, ça représente... Il y a eu des comptages de faits. Moi, j'en ramasse 60, vous voyez. Voilà. Alors, tout le monde aura du tilleul, de la menthe et de la camomille dans son stock. Après, je pense qu'on a plus de 300 plantes ramassées dans le cadre du syndicat. sur lequel vient se greffer ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Alors on parlera peut-être de législation un peu plus tard, mais voilà, dans ces plantes-là, il y a des plantes qu'on a le droit de vendre et des plantes qu'on n'a pas le droit de vendre, bien sûr. D'accord. Qu'on n'a pas le droit de vendre. Pour quelle raison ? Alors, ça émane de... Bon, alors on ressasse toujours un peu cette chose-là, hein, mais suppression du diplôme d'herboriste en 41 par une assemblée générale, une assemblée nationale à peu près vide à 4 heures du matin, comme d'hab, quoi. Hein, et des décrets qui passent, et des lois qui sont votées, suppression de la loi du diplôme d'herboriste. Donc, on survécu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Une le diplôme d'herboriste, c'était sous le gouvernement de Pétain qu'il était. Voilà, voilà. C'est ça. Hein, c'est à ce moment-là que ça a été. C'était en 44 ou un truc comme ça, quoi. Moi, ben, si vous voulez, toutes ces données-là seront présentées dans le cadre d'une conférence sur la loi herboristerie. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement besoin d'un renouveau, et c'est vraiment une demande du public et une demande des Français. Après, vous imaginez bien que c'est facile de faire supprimer un diplôme, voilà, surtout dans des conditions un peu comme elles ont été, quoi, d'urgence. Par contre, remettre en place un système de plantes autorisées, de droits de vente, de choses comme ça, aujourd'hui, vous imaginez les années et les énergies qu'il faut pour que des députés, pour que des sénateurs mettent en place toutes les consultations nécessaires. Donc depuis 2 ans, on a joué... Et en cohérence avec les directives européennes. En cohérence avec les directives européennes, mais ça, à la limite, on a presque plus d'ouverture au niveau de l'Europe qu'au niveau de la France, de ce côté-là. Alors pareil, un sujet que je ne maîtrise pas du mal, quoi. Hein. Mais donc depuis 2 ans, il y a un sénateur, Joël Labbé, qui travaille avec notamment le porte-parole du syndicat Simple, Thierry Thévenin, qui commence à être bien connu. Il y a toute une énergie, il y a une consultation publique. Il y a ce projet de loi herboristerie avec des avancées lentes, mais il y en a. Donc ça, c'est une bonne chose. Et dimanche matin, donc pour la fête des simples, la conférence qui est à 10h30, je crois, nous aurons une conférence de... Alors, le sénateur s'est décommandé, mais son attaché parlementaire est là. Donc, on aura une conférence avec Fanny et Thierry sur les avancées de la loi herboristerie. Et puis, ben, je vous donne l'heure exacte le dimanche. Conférence à 11h, la loi herboristerie. Voilà. À 11h dimanche matin. À 11h dimanche matin, voilà, les conférences. Il y a des conférences en continu sur les 2 jours à la fête des simples. Là, on va en reparler. Mmh. Alors toi-même, qu'est-ce qui t'a motivé pour avoir une exploitation, pour mettre en place une exploitation, parce que c'est tout neuf. C'est tout neuf à sa poids, mais maintenant, je commence à faire partie du décor. C'est plus tout neuf. Voilà, c'est gentil de me dire que ça me rajeunit, mais ça fait 20 ans aujourd'hui, hein, 21 années que je suis dans les plantes. Mais bon, comme souvent chez les producteurs de plantes, c'est pas systématique, hein, mais souvent, c'est une reconversion professionnelle. Moi, je travaille dans le monde agricole par passion. J'ai travaillé beaucoup avec l'élevage en zone de montagne. Par nécessité alimentaire, j'ai trouvé des boulots dans des cadres agricoles qui me plaisaient un peu moins. C'était des groupements de producteurs, voilà, un truc de génétique charolaise dans Lyon pendant 4 ans. Et là, si vous voulez... Tu as un diplôme d'ingénieur agronome ? Moi, je suis ingénieur agronome, mais bon, là, je dirais que c'est quelque chose que je... Si on me le signale pas, moi je l'ai complètement oublié. Je revendique le fait d'être un petit peu ingénieux, ça certes. Ingénieur, ma foi, ça m'a formé le cerveau. Et j'ai appris à oublier une partie des choses qu'on m'avait enseignées pour y mettre à la place du vivant et de l'humain. Voilà, parce que si aujourd'hui il y a 2 choses que j'ai envie de défendre, c'est ça, quoi. C'est le vivant et l'humain, et donc oublier tout ce qu'on a pu me dire en matière de faire pousser du blé avec du NPK et nourrir des vaches avec des PDIE, et sans parler de la chimie, quoi. Oui, c'est une agriculture, un agrobusiness de plus en plus soumis aux pesticides, aux engrais, etc. Avec des évolutions, il y a des interrogations. Alors après, comme tout, il y a des gens qui s'accrochent. Parce qu'effectivement, du jour au lendemain, dire ben non, vous ne mettez plus de glyphosate, il faut le gérer, quoi. Il faut le gérer, mais il faut maintenir une pression de dire on n'en veut plus. Ça, c'est clair. Hein. Donc, il nous faut des coquelicots et des bleuets et de la matricaire partout, quoi. Et bien évidemment, tu étais parmi ceux qui faisaient partie des coquelicots. Ben voilà, entre autres. Hein, voilà. Pendant des mois, là. Alors, c'est une petite parenthèse. Mmh. Quel bilan fais-tu de cette action coquelicot? Alors, un bilan, je ne sais pas, je ne suis pas assez impliqué pour le savoir. Moi j'ai chaque fois que j'ai pu, j'ai fait acte de présence les vendredis. Mais ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est la force lente. Mais alors, ce n'est pas lente au sens où les choses ne vont pas avancer, c'est au sens d'une inertie qui se met en place, c'est-à-dire c'est diffus. Et pareil, c'est à prendre au sens positif du terme. C'est-à-dire que quand je dis diffus, c'est au sens où il y en a partout. Et quand il y en a partout et que ça emprunte au sens de laisser une trace, hein, le territoire, et bien tout doucement, ça fait écho. Et c'est comme ça que des mouvements peuvent donner des impulsions et marquer leur empreinte. Hein. On avance doucement. Partout, en puissance. Et je vois l'avantage, enfin pas l'avantage, j'en sais rien, mais par rapport à des coups d'éclat massifs qui sont dans les villes, bien, tout de suite ça devient bien plus difficile à gérer parce qu'il y a des intrusions, on voit ce qui peut se passer avec même la marche verte par exemple, hein, ce qui est fort dommage, mais c'est très bien de se mobiliser de façon forte à des endroits clés. Mais présent partout dans le territoire, toutes ces milliers de petites actions, même si elles sont moins visibles au début, ça aide à la prise de conscience de partout, quoi. Alors ça passe peut-être pas aux infos tous les 4 matins, hein, parce qu'il n'y a pas de casseurs, mais ça permet auprès de la population de faire un témoignage local. Ben voilà, un point de vue tout à fait perso. Hein, mais... Je voudrais parler un petit peu de la manière dont on conditionne les plantes. Ça peut être intéressant. Enfin, je pense que ceux qui viendront en Cournimont auront l'occasion de voir exactement comment on peut conditionner les plantes, sous quelle forme, etc. Tout à fait. Le thème, ça me permet de rappeler le thème de la fête des Simples cette année. Une fête des Simples, ça a lieu tous les 2 ans en France. Enfin, ça a lieu tous les 2 ans. Ça a lieu là où un producteur accepte de consacrer un an et demi de son activité, hein, de son temps. Oui, alors ça prend même le temps professionnel, honnêtement. Oui, hein. Aussi. Voilà, de mettre en berne son activité professionnelle pour monter ce projet-là. Et donc, il y a un thème. Et le thème, cette année, au cœur des plantes, au cœur d'un métier. J'ai trouvé important de transmettre et d'expliciter auprès des personnes qui viendront de quoi est fait notre quotidien. Hein, tu parles de conditionnement des plantes. Voilà quoi. Donc, c'est un métier à part entière. Donc, c'est un métier à part entière, avec des gestes, avec un savoir-faire. Et à la fête des Simples cette année, on a un espace qu'on a appelé espace cœur de métier. Et là, ça va être... moi, je pense que ça va être un endroit, alors, hein, somme toute un peu modeste, là, derrière la mairie. Mais vous dans pourrez toucher... voilà, donc, juste, il y a un petit parc avec les écoles qu'on... Donc, depuis le mois de mars, du début d'année, on a travaillé avec notamment la classe Ulysse de Cornimont pour faire des semis, pour désherber, préparer un terrain, le repiquer, l'entretenir. Et là, au mois de juin et puis en septembre, les élèves sont venus faire des cueillettes régulières pour que le week-end qui vient, on puisse proposer au public de faire les gestes de cueillette. Donc là, cet espace cœur de métier, vous retrouverez une dizaine d'agriculteurs. Donc là j'ai été aidé par les collègues de Bleu Vert Vosges, hein, qui est une structure de producteurs de petits fruits de plantes médicinales vosgiennes. qui se sont tous bougés pour mettre en place cet atelier, cet espace cœur de métier. On amène trois séchoirs. Hein, vous aurez un séchoir professionnel, un séchoir familial et un séchoir familial solaire. Vous aurez un alambic. On amène des tamis, une table de tri. Et puis, l'idée, ça va être d'emmener un groupe de personnes avec des paniers, faire quelques gestes de cueillette, ramener au séchoir, mettre au séchoir, travailler, voir les plantes une fois qu'elles sont sorties du séchoir, à quoi elles ressemblent, évoquer le mondage. Hein, le mondage, c'est l'art c'est le fait de garder que les parties intéressantes d'une plante. C'est-à-dire que nous, on ne va pas la prendre broyée. Hein, couper de la menthe. La sécher entière sur la tige, la passer au wash paille et puis la mettre en infusette. Tout le monde aura compris que c'est pas notre façon de faire. Donc nous, on va effeuiller les plantes à la main, hein, puisqu'on ne va pas garder les tiges, on va garder que les feuilles. Donc voilà, tout ce travail, tous nos gestes, tout notre quotidien va être transmis au public le 28 et le 29 à l'espace cœur de métier. Voilà, d'accord, on peut découvrir non seulement les plantes, mais la façon dont elles sont cultivées, conditionnées. Voilà. Et que les gens puissent réaliser que cueillir... alors là, on va cueillir trois fleurs de camomille pour que tout le monde puisse en cueillir, mais cueillir une heure de camomille, c'est vraiment au ras du sol, hein, c'est plié en deux. Il y a plusieurs variétés de camomille. Oui, on a plusieurs, oui, on a la matricaire et la romaine. Là, on aura de la romaine, hein, le pompon tout blanc, hein. Vous êtes échiné à cueillir votre petit kilo de camomille, vous le ramenez au séchoir et trois jours après, quand vous le ressortez du séchoir, on est passé de 1 kilo à 180 grammes. La camomille, en l'occurrence, il n'y a pas trop de tri à faire, il n'y a plus qu'à la conditionner. Mais voilà, prendre aussi conscience que dans notre sachet de camomille de 15 ou de 20 grammes, à l'origine, c'était 7 fois plus de plantes fraîches qui étaient dedans, quoi. Ou que dans notre sachet de feuilles de menthe de 20 grammes, au départ, pareil, il faut multiplier par 5 plus le poids de perte des tiges. Ça correspond à, alors j'ai aucune idée, peut-être à 200 grammes, peut-être pas 200 grammes, mais 180 grammes de menthe fraîche et feuillées à la main. Donc là, par exemple, découvrir aussi que quand on prend une tige de menthe, qu'on les feuille, qu'on ne veut pas faire trop de brisures, c'est un travail qui prend du temps. Donc voilà un peu l'idée de cet espace cœur de métier. Toi-même, tu cultives bien sûr des plantes, mais il y a aussi une partie cueillette sauvage. Oui, je pratique tous les collègues. C'est véritablement valable pour tous les herboristes. Ah oui, la plupart du temps. Et l'idée est que, surtout dans nos zones, là où on a effectivement plein de friches, ou de friches forestières, cultiver de la feuille de ronce ou cultiver du framboisier sauvage, la nature le fait très bien. Donc ça, voilà, ou l'ortie. Donc on va cueillir en sauvage de l'ortie. La fleur de bupier, grande ortie, l'ortie dioïdique. L'ortie dioïdique, oui. Ouais. Toutes les autres orties. Dioïque, voilà. J'ai perdu mon fil. Les orties ne sont orties que celles qui piquent. Les autres sont des lamiers, hein, l'ortie blanche, l'ortie jaune, ou l'ortie royale, l'ortie pourpre, tout ça. Ce sont des lamiers, hein, nés ortie que l'ortie qui pique. Et en France, il y a deux espèces d'ortie qui piquent. Une qu'on voit beaucoup qui est l'ortie piquante et une qu'on ne voit pas beaucoup qui est l'ortie brûlante. Mais dans tous les cas, ça fait mal. Ça me permet une petite aparté. Je me raccroche à la fête des simples. Pour toutes les personnes qui veulent découvrir les plantes qui nous entourent, on a organisé, là, il y en a pas mal, hein, il y a 25 sorties botaniques. Avec une petite participation modique, hein, je crois que c'est 4 euros la sortie botanique, hein, sinon la fête est gratuite, hein, il y a juste 2-3 choses comme ça qui nous permettent de la subventionner. Donc il y aura 25 sorties botaniques de deux niveaux, soit on dirait entre guillemets grand public, hein, pour justement une personne qui a besoin de découvrir la différence entre une ortie blanche et qui n'est pas une ortie et l'ortie qui pique. Et puis, j'ai quelques botanistes confirmés qui feront des sorties botaniques à destination des personnes qui sont déjà un peu plus aguerries dans le domaine de la botanique. Et ça, tout au long du samedi et dimanche. Donc là, venir s'inscrire sur place à l'accueil le samedi matin, enfin le samedi dans la journée, hein, mais dès le matin ou le dimanche matin. Et là où quelque chose, on est assez fiers de nous, entre guillemets, et je profite, hein, faites le savoir, on n'a peut-être pas assez communiqué là-dessus. Il y a une sortie botanique à 14h le samedi qui sera faite par une accompagnatrice spécialisée à destination du public malvoyant et aveugle. Donc notez-le, renseignez-vous à l'accueil. Ça sera avec l'association Voir Ensemble, qui doit être de Remiremont, enfin, ou qui est Vosgienne en tout cas. Et le dimanche en continu, on aura deux jouellettes pour le public en fauteuil ou à mobilité réduite. Hein. Donc on aura des jouellettes pour les sorties botaniques. Bon, pareil, là ça suppose, puisque une jouellette, il nous faut deux, une personne qui pousse, une personne qui tire, de bien venir se renseigner à l'accueil pour la mise en place. Et là, c'est avec l'association Allez Vosges. D'accord. Alors, petite parenthèse, mmh. Autrefois, à l'école, on récupérait toutes sortes de plantes que la coopérative scolaire vendait, bien sûr, à des labos, à des pharmacies, je suppose. Hein, c'était... Et il y avait parmi ça le lamier blanc. La digitale, l'écorce de Bourdaine, ouais, à Sapois par exemple, tout à fait. Ouais. Ça se fait encore maintenant, non? Alors, sous cette formule-là, non. À savoir que certaines communes ont perduré assez longtemps. La commune où j'habite, à Sapois, ça avait disparu et ça avait été réactivé par un enseignant. Donc, ils ont cueilli des plantes jusqu'en 76. Donc, oui, c'est pas si vieux que ça. Mais ça permet de signaler que les Vosges ont été un grand territoire de cueillette. Parce que toutes les petites écoles que vous voyez, hein, qui fourmillent dans le territoire, hein, dès qu'on se balade un peu, et toutes ces écoles-là, effectivement, les greniers servaient à faire sécher des plantes cueillies par les enfants. C'était vendu à des laboratoires et ça permettait d'avoir un petit peu de sous pour la coopérative scolaire. Et aujourd'hui, c'est sûr que plein de Vosgiens ont cueilli. Et j'ai souhaité, alors, bon, voilà, j'ai souhaité tellement de choses qu'on n'a pas réussi à tout faire. Mais là, dans ces deux jours, bien sûr, il n'était pas possible d'organiser, par exemple, avec les écoles, hein, puisque là, on va se retrouver sur le week-end, c'est-à-dire... Alors, avec les écoles, ça se passera sans le vendredi. Scolarité. Voilà, avec le vendredi. Alors, le vendredi, avec les institutrices auteurs, hein, qui ont souhaité... faire une petite sortie bota, ou voilà, on a six classes là sur lesquelles un intervenant le vendredi viendra faire soit une petite sortie botanique, soit présenter un peu des plantes, ou voilà, il y a des animations prévues avec les scolaires le vendredi matin et après-midi. Alors on va s'accorder une pause musicale. Tu as choisi, Laurent? Alors j'ai choisi en premier juste oublié. C'est Georges... Non, Geoffroy. Geoffroy Auriemma. Voilà. Dis coucou à Marion, en passant. C'est le cas sur la technique, j'ai oublié de le dire. Merci Marion. Geoffroy Auriemma. Petite musique africaine. Alors pourquoi? Un, parce que je l'aime bien. Deux, c'est une approche traditionnelle, mais pas que, hein, d'un grand artiste qui est plus nos jours aujourd'hui. Et trois, parce que c'est peut-être en Afrique que c'est construit. Moi, j'ai été volontaire 2 ans, volontaire pour échapper au service national, hein, et donc partir en coopération. C'était au Sénégal ou Burkina Faso? J'étais en Guinée-Conakry. Ah, en Guinée. Guinée-Conakry. Et j'avais une passion en faisant mes études agricoles de botanique et je ramassais mes plantes pour me faire de la tisane sans savoir qu'il y avait un métier derrière, sans savoir tout ça, quoi. Ma famille n'avait pas forcément une pratique de tisane, mis à part le tilleul. Tu es originaire de... Moi, j'ai grandi à Metz, mais originaire un peu du nord-est, quoi. Des origines agricoles installées en Marne, dans la Marne. Et donc, en Afrique, j'ai été de nouveau... Enfin, j'ai pas de nouveau, j'ai été confronté au fait que pour se soigner, d'accord, il y avait bien un peu de médication, mais il y avait quand même surtout toutes les plantes qui poussaient autour de chez nous. Et ça, je l'ai vécu. Et ayant même eu une hépatite alimentaire sur place, eh ben, il n'y a pas beaucoup de traitements à faire, mais on a quelques plantes. Donc voilà, j'ai bu des tisanes d'écorce. Enfin voilà, c'est un peu construit. Ces 2 ans que j'ai passé là-bas m'ont rapproché de l'humanité, de la simplicité de la nature. Eh bien, on va découvrir. Merci Laurent. C'est reparti, voilà, avec Laurent Altel, donc, qui est... Quel titre tu donnes, herboriste ? Alors aujourd'hui, au syndicat, on a un terme qui est celui de paysan herboriste. Paysan, parce que bah, il s'occupe de son pays, hein, ça c'est, je trouve que c'est bien plus séducteur que et puis parlant qu'exploitant agricole, qui est mon titre officiel, quoi. Et puis herboriste parce que effectivement notre matière c'est la plante médicinale quoi. Sachant que le terme herboriste prête un petit peu à la confusion, on n'est pas herboriste de comptoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas forcément une formation, enfin tout un chacun peut l'avoir ou pas, hein, mais une formation reconnue sur la santé. Et d'accord. Sur l'utilisation des plantes pour la santé. Nous, ce qu'on revendique déjà, c'est... pas le droit de prescrire. On connaît nos plantes et on sait à quoi elles servent. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit de prescrire. On n'a pas le droit de prescrire, on n'a pas le droit au conseil. Hein, c'est dommage, d'ailleurs. Alors, prescrire, non. Moi, je pense que c'est une bonne chose, quoi. C'est pas, je dirais à chacun son métier et on n'a pas forcément ni la formation, ni le retour régulier des personnes pour rentrer dans la prescription. Ça, c'est pas du tout notre sort. Par contre, là où on a un des terrains de nos revendications, c'est effectivement parce qu'à force de les travailler, de se renseigner dessus, voire de les utiliser pour nous, pour des proches, on a une connaissance de à quoi servent ces plantes. Et ça, c'est une revendication majeure. Ce qu'on appelle les allégations. Tout le monde sait que le tilleul, ça calme. Et ça, la camomille aussi. Et la camomille, elle est calmante et digestive. Ça fait partie de la plante, c'est du savoir populaire et on revendique le savoir populaire. Ça n'appartient pas à la recherche ou à la médecine. La médecine ou la recherche sont venues confirmer, parfois infirmer des choses, mais la propriété, elle est dans la plante, elle est dans la connaissance de tout le monde. Donc ça, il faut, pour moi, il faut le perpétuer. Et puis rajouter des petites, en tant que sachant, hein, comme ça s'appelle la personne qui sait, préciser qu'un tilleul, ça calme, mais si vous doublez ou triplez la dose, vous ne dormirez pas. Moi, je pense que ça, c'est important et c'est de notre devoir de transmettre ce genre de choses. Et là, ça, ce n'est pas forcément toujours possible pour nous aujourd'hui. Oui, c'est difficile parce que vous n'êtes pas reconnu. Voilà, bah, c'est un combat, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer la loi. Quels sont vos rapports avec les laboratoires, la médecine, les médecins? Oui, bah, avec les laboratoires, les ça ne pose pas trop de soucis. Ils sont éventuellement acheteurs de plantes, mais toutes nos belles plantes qu'on cueille à la main, qu'on sèche sans chaleur, qu'on cultive sans paillage plastique, sans produits de synthèse et puis sans serre, elles arrivent beaucoup trop chères pour l'industrie de la pharmacie. Donc les seuls qui nous prennent parfois des plantes sont les laboratoires homéopathiques qui, eux, veulent une plante de qualité, veulent une plante cueillie avec soin. À ce propos, que penses-tu de ce débat aujourd'hui sur l'homéopathie puis le non-remboursement? Pour moi, c'est stupide et honteux. Parce que y a des gens qui se soignent avec. Et je dirais même mieux, parce que soigner, c'est une chose, guérir, c'en est une autre. Et il y a des gens qui guérissent avec de l'homéopathie. Donc, de quel droit une médecine soi-disant scientifique se retranchant derrière une molécule, peut décider si ça soigne ou pas. L'effet placebo est quelque chose qui soigne, donc il faut le cultiver. Le but du jeu est de guérir, quoi. Et donc si on guérit uniquement parce qu'on a pris quelque chose et que ce n'est pas du tout la chimie qui l'a mis en place, ce n'est pas grave. Le but du jeu, c'est d'obtenir la guérison. Activer les défenses immunitaires, c'est important. Stimuler un... Alors, il y en a qui vont dire placebo, moi je dirais plutôt potentiel d'auto-guérison dans le corps. On lit énormément d'articles là-dessus. Booster ce processus d'auto-guérison. On a tous l'auto-guérison, c'est aussi nos défenses immunitaires. Hein. C'est des noms différents pour un principe qui reste toujours un peu le même, c'est-à-dire se guérir, quoi. Est-ce qu'il y a véritablement des études justement par rapport à la phytothérapie? Parce que là, ouais, on a abandonné malheureusement la phytothérapie pendant des années. Enfin, Des études, il y en a plein. Moi, après, là, plus du tout mon rayon. Hein, donc, je vote un peu en touche, hein, mais des études, c'est pas ça qui manque. Ce qui manque, c'est des volontés, c'est une ouverture, c'est sortir des systèmes. Analytique et soi-disant scientifique, alors que le pragmatisme, quand il est bien fait, de toute façon, même la science, quand elle décrète quelque chose, c'est des stats. Et les stats, il n'y a rien de moins scientifique que des stats. Les stats, c'est établir des moyennes, des pourcentages. Et donc, ça fait partie de la relation d'homme avec la nature. Voilà. Et puis, on est tout homme et tous différents. Donc, un protocole unique ne peut pas convenir à tout un chacun. Donc, il faudrait aussi savoir adapter De la même façon que telle ou telle molécule ne va pas forcément fonctionner chez telle ou telle personne, la preuve, on voit bien le tâtonnement quand on a... Quand on a la tension, par exemple, le médecin, il n'a pas tout de suite une réponse. Hein. Vous avez essayé 4, 5, 6 molécules différentes avant de trouver la bonne. On a l'impression de mots qui changent aussi. Ben ouais, donc voilà, ben, il en est, la preuve est que là, pour une fois, les réponses sont hasardeuses. Alors on ne le dira peut-être pas comme ça, mais moi, à ma lecture de loin, c'est la même chose. Et quand je dis à quelqu'un... que la feuille de ronce est propriété pour la gorge, mais il y en a d'autres. Donc après, vous essayez, puis si ça le fait, ça le fait. Puis si ça le fait pas, il faut peut-être aller sur du thym ou sur une autre plante, quoi. Oui, bien sûr. Mmh. On est tous à la on fois. Est tous, on est tous différents. Unique, on est tous uniques. Voilà, donc la réponse doit être aussi adaptée, quoi. Et je pense quand même qu'il y a une progression. Il y a une prise de conscience collective aussi sur pour revenir un petit peu au simple, c'est-à-dire à une médecine familiale, j'allais dire simple, c'est-à-dire utiliser de plus en plus des plantes, des tisanes qu'on avait abandonnées la plupart du temps depuis des années pour des molécules chimiques dont on ne sait pas trop, y compris les effets secondaires. Voilà, c'est pas du tout les nier, hein, ces molécules, hein, bien au contraire, et puis il faut savoir les utiliser quand il y en a besoin. Mais d'ailleurs, certaines choses aussi, seraient des plantes. Voilà. Et c'est ne pas nier qu'il y a d'autres façons de faire pour des maux du quotidien, quoi. Et des fois, ne rien faire. Parce qu'effectivement, si on a un petit truc, des fois, il faut juste laisser 3 jours ou 5 jours le temps au corps de réagir. Et puis, vous vous en sortez parce que uniquement, votre corps a bien su se défendre. C'est la même chose pour les plantes. Hein. On dit toujours, j'ai des pucerons. Hein. Moi, en 20 ans, j'ai jamais traité... une fois pour même avec du purin d'ortie ou je sais pas quoi la plante est aussi individu et donc moi je le constate tous les ans assez facilement les pucerons vont venir sur la camomille matricaire par exemple sur le bleuet et vous allez voir que c'est deux individus qui sont malades mais le reste de la ligne, c'est-à-dire que vous avez des 30 ou 50 individus dans la ligne et les autres tombent pas malades. Hypothèse, hein, soit le micro-organisme s'est arrêté, soit la plante d'à côté s'est défendue, ou que c'était juste un individu affaibli, il était affaibli, les pucerons sont arrivés, puis sont pas allés sur le pied d'à côté parce qu'il était vigoureux. Enfin, la plante a aussi ses mécanismes de défense, quoi. Donc il faut savoir ne pas être trop interventionniste pour laisser s'exprimer les capacités d'autodéfense des végétaux, des animaux et des hommes. Et par contre, il faut savoir les nourrir, c'est-à-dire qu'il faut être en bonne santé intellectuelle, être en bonne... Pas d'engrais par rapport aux surfaces cultivées. Moi, du fumier. Du fumier. Voilà. Alors, fumier, toujours pas toujours facile de trouver du fumier en bio. Donc j'achète un fumier, un bio qui est déshydraté quand je n'ai pas trouvé. Moi, je n'ai pas trop d'agriculteurs bio dans le secteur. Enfin, il y en a de plus en plus, hein, mais souvent, eux, ils les utilisent eux-mêmes, leur fumier. Mon propre compost, je fais beaucoup de compost, beaucoup de paillage. Un peu de purin d'ortie. Alors souvent, j'en fais pas beaucoup parce que juste, je n'arrive pas à y passer le temps qu'il faut. Donc je me fais rattraper par d'autres choses. J'ai toujours un peu de purin d'ortie. Ouais. Voilà, on va peut-être revenir, parce que le temps passe vite, en compagnie de Laurent. Revenir à cette fête des simples, hein, parce que c'est là véritablement 6000... Voilà, on attend 6000 visiteurs. On sait que visiteurs. Tous les deux ans, on a... Combien d'exposants, alors? Alors, combien d'exposants? C'est difficile à dire. Je fais le tour. Non, ça on le sait, mais il y a plusieurs types d'exposants. Donc, pour parler producteurs, marché de producteurs, j'aurai 23 exposants qui viennent de toute la France. Avec des sirops, des tisanes, des confitures, de l'huile essentielle, de la cosmétique. Il y aura un Normand, il y aura du monde des Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges aussi. Donc que des producteurs qui sont rattachés au syndicat simple. Hein, donc mes collègues voisins, par exemple, du Haut du Taux ou du Gérardmer, sont suivent en partie les préconisations du cahier des charges simples, mais n'y sont pas adhérents, ne sont pas contrôlés par le syndicat. Donc, eux ne seront pas présents. Quoi. C'est vraiment que les gens qui ont la marque, le label simple. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est le côté producteur. Donc, je sais pas, en même temps, j'en profite pour vous situer la fête dans l'espace. Bien sûr. Donc là, on sera dans la salle des fêtes. Bon, pas dans la salle des fêtes, dans le centre de polyactivité de Cornimont. Qui est situé rue des Grands-Mets. Voilà, rue des Grands-Mets, à la route de Xouls. Parce que quand on arrive à Cornimont, c'est vrai que... enfin, je suppose qu'il y aura un fléchage quand même. Ah oui, ben voilà, c'est ce qui m'occupe cette semaine. Mais c'est vrai que entre le gymnase, le gymnase, tout ça, des différents lieux, c'est vrai qu'on a un peu de difficulté à trouver cette salle. Trouve donc sur la route de Xouls. Pour que ça soit plus facile, je vais reprendre mon cheminement à l'envers et on va commencer par les parkings. La plupart, et là, c'est pas une mince affaire. Donc vous allez en majorité, les gens vont arriver du côté de par Remiremont, Saulsur. Donc les parkings seront dans les entreprises et puis sur le domaine public à partir de l'ancienne gare jusqu'à l'ancien col Rute. Donc quand vous arrivez à Cornimont, vous serez invité à aller vous garer. Il y aura des personnes au parcours, il y aura du fléchage au carrefour, il y aura du monde un peu partout. À proximité de la voie verte. Donc à proximité de la voie verte. On peut se rendre à la fête simple par la voie verte. C'est ça. À vélo. De toute façon, et il y a un parking à vélo qui est prévu pour ceux qui viendront en vélo. Donc vous allez être parqué, les parkings vont être de ce côté-là, et vous allez pouvoir prendre le sentier des cols verts, donc qui longe la Moselotte. Pour rejoindre le centre de Cornimont. Donc, en arrivant, vous allez arriver à un petit endroit qui s'appelle le Square du Saulcy. Le Square du Saulcy qui est juste derrière la salle des fêtes, l'ancienne mairie. Et là, Square du Saulcy... Il y a quelque chose à la salle des fêtes ? Oui, il y aura. Mais je vais tout balayer comme ça. parce qu'en fin de compte, on a occupé tous les locaux disponibles de Cornimont. Donc voilà, c'est une grande aventure. Donc, Square du Saulcy, les animations en famille, avec notamment un conte le samedi après-midi, Le Verger de mon grand-père, et puis par les croqueurs de pommes, et puis un conte le dimanche par Sophie Novak, Le Père Diode. Voilà. Donc voilà, espace famille, des animations, des jeux, le semeur de son qui est présent. Donc vous montez, vous quittez l'espace du Saulcy, vous avez la salle des fêtes qui est juste à côté. Et là, au bord de la grande route. Au bord de la grande route, grand stand de librairie. Vous avez deux libraires spécialisés plantes qui seront là. D'ailleurs, donc Et c'est l'ancienne mairie, voilà. Il y a 20 mètres de stand libraire avec aussi deux revues qui seront là, L'Âge de Fer et La Garance Voyageuse. Donc là, si vous voulez, on est toujours du côté Moselotte. Donc on va traverser cette grande route. Alors là, il y aura un carrefour bien signalisé avec des gens pour vous faire passer. Et la route qui va à Xouls, la rue des Grands-Mets, va être fermée à la circulation en journée, le samedi et le dimanche. D'accord. Tellement on va avoir du monde partout. Donc, vous traversez la route, place de la Pranzière, tout ce qui est restauration publique. Et il y aura quand même accès à la place pour se garer éventuellement. Alors non, la place... Ah non, la place sera prise. La place est occupée. La place de la Pranzière. On aura, sur le début de la place de la Pranzière, les parkings PMR, donc personnes à mobilité réduite. Voilà. C'est la seule possibilité pour se garer. Ça sera au tout début de la place. Après, la place est occupée par la partie restauration. Offre en restauration et puis abri pour pouvoir se restaurer, donc avec des collègues qui vont faire de la restauration en bio. Au bout de la place de la Pranzière, vous avez le centre social et culturel de la Pranzière, le CSP. Donc ECSP auront lieu à l'intérieur, notamment les ateliers, puisqu'on a proposé de faire des... De l'autre côté du ruisseau. Des baumes, des petits baumes, des ateliers sur les plantes sauvages comestibles. Enfin, voilà, il y a une vingtaine d'ateliers, pareil, sur inscription. Juste de l'autre côté de la place de la Pranzière, donc derrière, entre l'église et la mairie, On aura l'espace cœur de métier que j'évoquais tout à l'heure avec les séchoirs et puis avec des artisans en lien direct avec le thème, donc c'est-à-dire avec le métier hein, de producteur de plantes. Donc il y aura des forgerons, il y aura des vanniers hein, pour faire les paniers de cueillette, il y aura des potiers. Voilà, donc ça sera derrière la mairie. Après, si on continue à remonter dans la rue... Il y a des chapiteaux. Donc, il y aura des chapiteaux. Voilà. Parce que là, bon... Ah oui, bah, tout à fait. On n'est jamais sur du temps. Oui, sur la place de la Pranzière, il y aura des chapiteaux pour abriter le public. Alors, on ne pourra pas abriter 6000 personnes, c'est clair. Hein, mais il y aura des chapiteaux. Il y aura une buvette, bien sûr. Hein, et on aura un sympathique bar à tisane sur le préau de l'école maternelle. Avec un petit coin cosy et un ou deux auteurs qui dédicaceront des livres sous le préau de l'école maternelle. Le stand d'accueil sera à la place de la Pranzière aussi, donc c'est là que vous trouverez les tickets et puis toutes les infos sur la fête. Et après, un autre grand chapiteau sur lequel seront présentes toutes les écoles de France de plantes médicinales. Donc ça, c'est important, hein, ils font le déplacement à chaque fois. On aura 7 écoles. Soit des lycées agricoles qui ont une option pour transmettre le métier de producteur. Donc non, là il n'y a pas de... À Mirecourt, ils se rattachent à... Ils font la formation et ils en décentralisent une partie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des CFPPA en France, donc Mirecourt ne sera pas présent. Mais les CFPPA, donc Centre de Formation Professionnelle pour Adultes, spécialisés plantes aromatiques et médicinales, il y en a 5 en France qui seront présents. Donc nous, le plus proche, c'est Lons-le-Saunier, par exemple. Et il y aura les écoles de plantes. Donc elles qui, les écoles, ce qu'on appelle écoles de plantes, c'est plutôt les structures qui enseignent souvent sur des cursus de 3 ans sur l'ancien diplôme d'herboriste. Voilà, les écoles de plantes vont plus être sur le côté santé, les CFPPA sur le côté métier agricole. Rovilochen, non. Hein, Rovilochen a des options plantes médicinales hein, depuis quelques années, mais n'ont pas de stand en tant que tel, parce que voilà, c'est pas quelque chose de majeur dans leur cursus formation. Aujourd'hui, quoi, dans leur formation. Quoi. Et puis en glissant, là, je fais court, hein, mais donc ça, et tout au bout de cette route, donc vous avez le grand centre de polyactivité avec les producteurs, et donc ça j'en ai parlé, et puis une vingtaine d'associations de France en lien avec les plantes médicinales et la salle de ciné juste à côté dans laquelle on aura les conférences, hein, puisqu'on aura des conférences sur les 2 jours. Quoi. Donc voilà, balayer un peu tout ce qui va se passer. Sur Cornimont. Sur Cornimont, voilà. C'est parti. Ah ben, c'est pas une mince. voilà, moi, étant au cœur de l'organisation, c'est pas une mince affaire. Hein. Ça fait plus d'un an que tu. Ah oui. Alors, pas tout seul. Tu as commencé à prendre des contacts, organiser cette fête. Il y a un an et demi, on a fait les premiers contacts pour trouver une commune qui voulait bien nous héberger et qui savait pas trop jusqu'où elle allait se lancer. Et puis depuis le mois de septembre l'année dernière, un comité de pilotage, on est entre 10 et 12 à chaque fois, ou 15, et on se réunit tous les mois pour faire avancer les dossiers pas à pas, quoi, les financements, l'organisation. Et puis là, on est dans le dernier rush, c'est-à-dire les loupés, parce que malheureusement, il y en a, les choses qu'on n'a pas eu le temps d'anticiper. Et puis la mise en place matérielle, c'est-à-dire à partir de mercredi, montage des chapiteaux, à partir de demain, quand on commence à décorer un peu le village. Enfin voilà, quoi, toute une petite fourreau. Là, on va être une cinquantaine sur Cornimont à partir de mercredi pour mener à bien cette mise en place. Voilà, puis nous, de notre côté, on va essayer d'annoncer cette fête quand même qui est... énorme, on pourrait dire. C'est un rendez-vous qui est attendu. Hein, donc voilà, après, on a des difficultés souvent. On n'en a pas encore beaucoup entendu parler dans les médias. Ça commence. Vosges Matin, ça s'est bien fait l'écho à plusieurs reprises. Donc la sauce est en train de prendre, comme on dit. Voilà. Alors c'est vraiment centre Cœur de Cornimont qui m'est concerné. Voilà, tout à fait. Hein. Et donc, avec nos remerciements, alors ça va être génial, ça va être festif, mais ça va modifier un peu les habitudes de tout un chacun, notamment en matière de parking sur jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis même la circulation sur le CD 43, parce que là, ça Voilà, donc il y a un contournement qui est prévu pour les gens qui viendront de Xouls, hein, puisque vu qu'on ferme la route à partir du camping, les gens vont passer par la rue des Brambel, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, des Merci. Enfin voilà, donc on a essayé au maximum de gérer un peu tout ça, mais c'est sûr que ça va modifier les habitudes pendant une paire de jours. Donc voilà, grand merci et tous mes collègues producteurs de plantes sont des amoureux des plantes et de l'homme. Un concours sans faille de la municipalité de Cornimont. Et un concours sans faille de la municipalité. Voilà, tout à fait, génial. Profite pour faire un petit coucou à Marie-Jo en particulier. Extraordinaire, hein, parce que quand on arrive comme ça en tant que producteur, on se dit, j'aimerais bien faire ça chez vous, est-ce que vous pouvez ? Enfin oui, on est un peu au fond de ces petits chaussons, et puis un accueil, un soutien matériel extraordinaire, hein, parce que toutes les salles prêtées, un soutien financier de la Comcom. Il y a des soutiens financiers de plus grandes structures, mais la Comcom a été partie prenante très vite et au maximum de ce qu'on pouvait avoir. Les services techniques se mobilisent. Donc toute la semaine, on aura plusieurs personnes à disposition pour mettre ça en place. Donc, merci à tous. Quoi. On va s'accorder une dernière pause musicale, ou il y en a encore le temps. Sur le blindé, ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Quel bon moment, mais le calme. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Sur le ciment, mais ces chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. connais. Les chansons que j'ai chantées, les chansons qui nous ressemblent. C'est la voix de Mandela, le dépôt d'Ortofella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. Mais le canbumuro de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La mer, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Eh bien voilà, ton choix. Alors mon choix de musique, Souad Massi, avec une chanson sur le thème de la liberté. Hein. On est tous confrontés à ça, et le champ d'expression de la liberté. À travers le monde, et voilà, que ça soit l'individu, que ça soit les plantes, que ça soit avec la musicalité, comme la chanson de tout à l'heure, où en fin de compte, on peut aussi s'imaginer en cueillette, hein, parce que la cueillette, il y aura une belle conférence sur l'espace de liberté en cueillette et le champ des contradictions. Donc voilà un peu pourquoi ce thème. Voilà, un tout petit aparté, la cueillette d'Arnica a été bonne cette année. Alors la cueillette d'Arnica a été bonne parce qu'on a tous un peu ouvert notre gueule en disant, il faut l'arrêter, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a des prises de conscience, il ne faut pas l'arrêter d'année en année, hein, mais là il se trouve qu'à 8h on a commencé à cueillir à 4h du matin, à 6h du matin on se regardait tous, à 8h, on avait déjà pas mal cueilli, donc pour une fois j'ai été rejoint par d'autres cueilleurs qui ont dit écoutez, arrêtons officiellement la cueillette là, ça ne sert à rien qu'on reste tous, puisqu'il n'y en a pas, laissons les fleurs qui restent. Et ça a été à demi entendu, donc voilà, ils ont permis, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, de continuer de cueillir un petit peu. Mais au moins, moi, content du fait, alors pas content parce qu'il n'y a pas eu d'arnica, c'est dame nature. Donc dame nature, quand il n'y a pas, sachons... C'est à cause de la sécheresse? C'est multifactoriel, quoi. Sécheresse entre autres, hein, mais... Vraiment mettre un nom sur qu'est-ce qui fait qu'il n'y en avait pas beaucoup cette année, je sais pas. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir une prise de conscience d'autres collègues qui n'étaient pas forcément... qui n'avaient pas en premier souci la ressource, qui commencent à le mettre en avant. Et donc ça, c'est important. Ça a été entendu par le parc, ça a été entendu par les services du département qui gère cette cueillette commune, là, sur le Marstein. Donc, une bonne chose de ce côté-là, c'est qu'effectivement, prise en compte de la rareté, quand il y a rareté, on arrête la cueillette. Alors, on rappelle que c'est la fête des simples ce week-end, ouais, à Cornimont, dans différents endroits. Hein, en fait, toutes les salles communales ont été apparemment... Occupé. Et les salles et l'espace public, hein, je fais un petit clin d'œil pour notre émouleur de Ramonchamp, ah oui, qui viendra en déambulation le samedi. Il n'est pas présent dimanche, mais venez samedi avec vos couteaux, vos ciseaux, vos haches et autres faucilles et serpettes. Le rémouleur sera présent samedi toute la journée. Voilà, puis bien sûr, exposition... Voilà, le programme sur le site, hein, fêtesdessimples.org. Voilà, ça à découvrir. Hmm hein, oh ben, vous, je pense que toute personne qui viendra y trouvera son compte. Quoi. Ah oui. Il y a matière à se faire plaisir. Voilà, c'est à Cornimont. Donc, ce week-end, en espérant beaucoup de beau temps. Hein. on le prendra. Ce sera du temps de Vosgien, apparemment. On a donc, eu beaucoup de soleil cet été. Voilà. Le début de l'automne, ouais, ça n'annonce pas trop mauvais quand même. Ouais. Il faut de l'eau, hein, bien sûr. Et puis, les plantes ont besoin d'eau, donc c'est pas grave, on fera fi des quelques gouttes. Et puis, il y a des chapiteaux, il y a moyen de s'abriter, il y a moyen de se restaurer. Voilà. Tout à fait. Voilà, alors venez nombreux à la fête des simples. Eh ben, merci Michel. Merci Laurent d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.